Chapitre 3e. Descente de rivière. Il est presque 7 heures du matin lorsque notre groupe arrive dans la cour du loueur de canoë. Nous avons pu traverser la Devon sans encombre en profitant d'un rapide à quelques centaines de mètres de là. Le soleil vient d'apparaître derrière une colline. Il illumine la cour totalement déserte à 7 heures. On imagine bien que les week-ends ou en plein été, elle doit être pleine de voitures qui attendent toute la journée leur propriétaire, adepte de sport nautique. Le bâtiment principal, au bord de la route, est en pierre. Les autres ne sont que des hangars en planches. Le tout a été peint de couleurs vives, impossible de passer sans les voir. Nous nous asseyons sur un banc de pierre contre la façade. Le soleil qui monte de plus en plus nous réchauffe agréablement. Seuls nos estomacs donnent une note discordante en criant famine. Allons-nous pouvoir nous entendre avec ces gens, c'est-à-dire avoir tout pour rien puisque nous n'avons pas d'argent sur nous? Aucune indication d'horaire n'est mentionnée sur la porte. Peut-être n'y aura-t-il personne avant 8 ou 9 heures. Mais une fourgonnette C15 se range dans la cour. Un couple d'une trentaine d'années, l'allure décontractée, en descend. C'est la femme qui vient vers nous pendant que l'homme ouvre plusieurs portes à l'aide d'un trousseau de clés digne d'un chef geôlier. « Bonjour les militaires, » nous lance-t-elle en arrivant devant nous. « Bonjour madame, voilà. Nous sommes venus vous demander si vous pourriez nous aider. Mais autant vous le dire tout de suite, nous allons être de très mauvais clients puisque nous n'avons rien pour payer. » Le sourire de la jeune femme se fige un peu, je reprends. « Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas nous aider, nous nous débrouillerons autrement. » Nous n'avons pas l'intention de vous forcer à quoi que ce soit. » La jeune femme se détend. Elle observe nos tenues tout juste sèches mais encore bien terreuses. Elle demande « Avez-vous déjeuné ?»« Eh bien non. Pour l'instant, ce n'est pas prévu au programme de la matinée. » »« Je ne savais pas que l'armée laissait ses soldats mourir de faim. » »« Ce n'est pas tout à fait ça. Nous faisons une sorte de raid, comme une épreuve pour voir si nous sommes capables de nous débrouiller. Venez, entrez avec moi. » Avec Rémi, mon mari, nous commençons toujours nos journées par un bon petit déjeuner. Quand il y en a pour deux, on en trouvera bien pour 6. Vous en profiterez pour nous raconter votre histoire et si on peut vous aider, on verra ce qu'on peut faire. » Tout en avalant des fils de tartines de pain frais copieusement recouvertes de beurre et de miel et en les faisant glisser avec de plusieurs bols de café au lait, nous racontons notre aventure, enfin le début de notre aventure. Nous exposons notre idée de descendre la Devon en canoë. Notre hôtesse jette un coup d'œil à son mari qui semble acquiescer, puis elle lui dit « On peut ajouter 2 canoës au groupe des Anglais? Je vais les préparer, » lui répond-il en se levant. La jeune femme nous explique alors « Nous avons un groupe de sportifs anglais, une équipe de foot, je crois, qui nous a retenu 12 canoës pour faire le grand parcours, 27 kilomètres. Ils ne devraient pas tarder à arriver puisqu'ils comptent partir avant 8 heures. Vous allez vous joindre à eux, vous passerez encore plus inaperçus. Vous avez des maillots de bain ?» Non. Parce que si vous faites du canoë en tenue kaki, même avec le gilet de sauvetage, vous allez vous faire remarquer. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous trouver quelque chose. Venez voir. » Abandonnant la table du petit déjeuner, nous la suivons dans une pièce basse, une sorte de remise mal éclairée. Elle nous indique une énorme caisse en bois qui occupe un recoin. Voilà, fouillez là-dedans. Prenez tout ce que vous voulez, ça nous débarrassera. Nous mettons dans cette caisse tous les vêtements que les clients oublient, soit ici en partant, soit au point d'arrivée. En saison, nous en récupérons plusieurs par jour. Nous stockons tout ça ici, mais jamais personne ne vient réclamer quoi que ce soit. Alors trouvez-vous des maillots à votre taille, des serviettes et même des shorts ou des t-shirts. Prenez tout ce que vous voulez, mais ne traînez pas. Les Anglais vont arriver et ils voudront partir au plus vite. Commençons par nous trouver un maillot de bain chacun, conclut Paul. Nous nous penchons et commençons à farfouiller dans cette caisse à peine éclairée. Je me trouve un short rouge à ma taille qui peut passer pour un maillot de bain. Paul récupère un slip de bain noir et blanc à fleurs qu'il enfile aussitôt. Nous choisissons aussi un short et un t-shirt chacun ainsi qu'une paire de baskets en fin de vie qui peut faire pour l'un ou l'autre. Une gourde et un petit sac à dos sont aussi les bienvenus. Ramassant nos trouvailles, nous filons aider Rémi à préparer les bateaux. Nous laissons sur place nos 2 minettes qui prennent un plaisir évident, à brasser dans la caisse de chiffon à la recherche de ce qui pourrait leur aller. Un petit car vient alors s'arrêter dans la cour et déverse une 20aine de sportifs anglais colorés et bruyants. Ils vont directement au bord de l'eau pour se changer et se répartir dans les bateaux. Assez vite, les premiers canoës s'élancent sur l'eau. À ce moment réapparaissent nos deux filles en maillot de bain. Sylvie est très sexy dans un maillot de pièces rouges, style minimaliste avec de simples cordons sur les côtés. Il est visiblement trop petit pour elle. Elle a les seins et les fesses qui débordent. Le seul qui était à ma taille était un horrible une pièce noire avec des fleurs mauves complètement difformes, s'excuse-t-elle. Je la rassure. Mais ça te va très bien, c'est hyper sexy, termine Paul. Anne a trouvé un maillot une pièce tout jaune qui pour le coup est un peu grand pour elle. Il n'a rien de sexy, sauf dans le cas assez probable où elle le perdrait. Elles ont toutes les deux des tongs aux pieds et nous en apportent une troisième paire, qui n'est pas vraiment une paire car la couleur est différente à droite et à gauche. Ça devrait aller pour vos grands pieds et ce sera toujours mieux que d'aller pieds nus ou en rangers. Elles ont aussi récupéré plusieurs sacs et tout un lot de vêtements féminins qui leur plaisent et qu'elles sont prêtes à nous montrer. Mais Paul les rappelle à la dure réalité. « Allons, filons, nous n'avons pas de temps à gaspiller. » Nous enfilons les gilets de sauvetage et les casques obligatoires, et nous fourrons nos affaires militaires et nos nouvelles fringues civiles dans les tonneaux fixés sur les canoës. Notre hôtesse réapparaît avec à la main un sac plastique contenant 4 énormes sandwichs. « Merci, madame, c'est vraiment très sympa. Donnez-nous votre nom, votre adresse, que nous puissions vous raconter la suite de notre raid. » Vous trouverez ça dans le sac avec les sandwichs. Je vous ai mis un prospectus publicitaire. C'est un réflexe commercial. Encore merci. On vous enverra des nouvelles et, si possible, des clients. Ça y est, nous sommes partis. Le courant nous emporte. Je suis avec Anne qui pagaye devant moi. À 10 mètres devant nous, sur l'autre canoë, Paul s'est mis à l'avant et Sylvie, qui paraît plus grande que lui, s'est installée à l'arrière. Derrière nous, les deux derniers bateaux d'anglais s'élancent. De fait, ils nous doublent rapidement et disparaissent devant nous. Nous ne les reverrons plus. Nous ne sommes pas de taille à rivaliser avec des sportifs entraînés qui font la descente au chronomètre. Pourtant, nous avons l'impression d'avancer vite. Et la Devon n'est pas une rivière bien difficile en cette saison où il y a encore pas mal d'eau. Au bout de quelques minutes, nous arrivons sur les lieux de notre traversée précipitée de la veille. Nous avons un regard ému pour le talus que nous avons eu tant de mal à escalader. 3 heures plus tard, nous franchissons le premier pont. Nous savons que nous devons en passer 2. De loin, nous repérons une jeep avec 2 militaires postés en embuscade au bout du pont. En fait, ils se sont cachés en contrebas de façon à être invisibles de la route. Ils n'ont pas pensé que nous pourrions arriver par la rivière. Pour l'instant, ils ont l'air de s'ennuyer ferme. Ils nous regardent approcher, tout heureux de la distraction. En arrivant à leur hauteur, nous leur adressons de grands signes. « Salut les militaires !» s'écrie Sylvie. Ils répondent gentiment à nos saluts et nous regardent nous éloigner. 1 ou 2 méandres plus loin, sur un signe de Paul, nous profitons d'une petite plage de sable pour accoster. Nous avons les bras moulus. Le geste de pagayer n'est pas si pénible en soi, mais il fait travailler des muscles qui n'en ont guère l'habitude. Répété pendant des heures, l'effort nous raidit les bras. Une fois accostés, nous nous débarrassons des casques et des gilets de sauvetage. Il doit être pratiquement midi et le soleil commence à chauffer. Nous avons très chaud. On se fait une petite trempette. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'eau nous paraît un peu fraîche, mais si agréable. Quel contraste avec notre bain de la nuit. Pourtant, la température de l'eau n'a pas dû changer beaucoup. Nous ne traînons pas dans l'eau et laissons le soleil nous sécher sur la petite plage de sable, tout en attaquant nos sandwichs avec voracité. Paul prend des airs de conspirateur et nous demande de l'écouter attentivement. « Vous avez vu l'accueil qu'on nous préparait au premier pont ? On peut imaginer que tous les ponts sont surveillés de la même façon. Or, vous vous rappelez où se trouve la ligne d'arrivée des canoës ? Après le deuxième pont. Rive droite, juste derrière le deuxième pont, a dit Rémi. Et dès que nous aurons déposé les canoës, qu'est-ce que nous allons chercher ? Notre route. Oui, mais aussi un nouveau moyen de transport. Or, qu'est-ce que l'ennemi a placé à notre disposition juste à l'endroit où nous allons en avoir besoin ? Une voiture, une jeep, dis-je enthousiasmé. Exactement. Nous n'aurons qu'à poser notre canoë et à monter dans la jeep. Sauf que les 2 gars qui gardent la jeep risquent de ne pas nous laisser faire. Ils seront tout heureux de nous capturer et de nous rallonger la route de quelques kilomètres. Eh bien, il suffit de nous débarrasser des 2 gars. « Ah oui, et comment ?» demande Anne. « avec une arme très efficace qui s'appelle la séduction. Dans notre situation difficile, nous devons utiliser à fond les qualités de chacun. Et puisque l'état-major nous a fourni deux minettes absolument superbes, nous allons utiliser leur charme pour nous tirer d'affaire. « Dites les mecs, » répond Sylvie, « on ne nous a pas mis avec vous uniquement pour vous servir d'armes, même super efficaces. Mais non, là c'est moi qui interviens. Vous êtes les plus charmantes compagnes dont on aurait pu rêver pour ce genre d'aventure. Merci Christophe, dit comme ça, c'est tellement plus agréable. Bien, reprend Paul imperturbable, qui suit son idée. Il faudra sans doute s'adapter à la configuration des lieux au dernier moment, mais nous devons quand même préparer un plan aussi précis que possible. Nous passons une heure à mettre au point cette délicate opération. Elle présente bien sûr des risques, mais elle devrait nous permettre de faire un grand bond en avant, sans fatigue et sans risque sur notre parcours. Paul tient à ce que tous les détails soient bien au point, et à chaque étape, il nous faut envisager plusieurs cas de figure. Enfin, quand nous remontons dans les canoës, nous avons l'impression que tout est parfaitement au point et que notre plan de jeep ne peut pas rater. L'avenir se chargera de nous apprendre à être un peu moins sûrs de nous et ajouter à l'audace une dose de prudence dans nos futurs projets. Cela fait plus de 2 heures que nous sommes repartis quand les filles qui naviguent maintenant ensemble sur le premier bateau redressent leurs pagaies verticalement. C'est le signal qu'elles sont en vue du pont. Avec Paul, nous bifurquons vers la rive pour nous arrêter et donner du champ au canoë des filles. Le plastron doit avoir passé 2 filles naviguant seules, sans savoir que nous sommes avec elles. Je débarque et me faufile à travers la végétation sur la rive pour tenter d'avoir un aperçu de la situation. Le pont est là, à 200 mètres, un pont de pierre à une seule arche. Je vois nos 2 filles qui pagayent allègrement et qui ont dû repérer le point d'atterrissage, car elles se rapprochent progressivement de la rive droite. Je voudrais bien voir les soldats avec leur jeep, s'ils sont bien en place comme nous l'avons imaginé. S'ils sont planqués côté aval, je n'ai aucune chance de les voir et cela va compliquer notre plan. Ça y est, je les aperçois, mais pas où je les cherchais. La jeep n'est pas cachée en contrebas comme au pont précédent, elle est simplement garée au bord de la route. Mais elle est stationnée rive gauche alors que les canoës doivent s'arrêter rive droite. De plus, elle est dans le mauvais sens pour nous. Il faudra lui faire faire demi-tour pour retraverser le pont et nous prendre au passage, ce qui va compliquer un peu les choses. Voilà, je vois le canoë des filles qui va passer sous le pont. Elles font de grands signes au gars du plastron, elles glissent sous l'arche et vont s'échouer un peu plus loin sur la petite plage que je devine plus que je ne la vois, car elle est cachée par la pile du pont. On fonce dès qu'on les verra réapparaître sur le pont, m'indique Paul. Effectivement, au bout d'un moment, elles apparaissent tout en haut sur le pont côté droit. Sylvie marche devant, toujours en bikini rouge. Anne la suit en trottinant et la rattrape. Anne, comme prévu, a quitté son affreux maillot jaune une pièce qui faisait des plis partout. Elle l'a remplacée par un short beige et une sorte de débardeur blanc en lycra hyper moulant qui fait ressortir ses seins et lui donne une allure à laquelle aucun garçon ne devrait résister. Elles parlent entre elles. Et visiblement, d'après leurs gestes, elles ne sont pas d'accord sur un sujet qui doit concerner les 2 militaires au bout du pont. Elles suivent exactement le plan mis au point entre nous. Avec Paul, nous sommes remontés dans notre canoë et nous fonçons vers le point d'arrivée sans avoir l'air de nous intéresser le moins du monde à ce qui se passe là-haut, sur le pont. Quand Sylvie et Anne arrivent près de la jeep, un des soldats est debout, immobile, à quelques mètres de la voiture, dos à la rivière. Il regarde venir avec plaisir cette visite imprévue. Il est brun, grand et costaud, visiblement du genre qui prend la vie du bon côté. Son sourire, qui s'élargit au fur et à mesure que les filles s'approchent de lui, annonce le garçon qui aime draguer les minettes à son goût. Son collègue est un peu en contrebas, à l'ombre. Il est accroupi et fait bouillir de l'eau sur un petit réchaud à gaz, sans doute dans l'idée de faire du café. Plus fin, de teint plus blanc, il porte des lunettes et fait plus intellectuel comme d'action. Il se relève à l'arrivée des 2 filles, mais reste à côté de son réchaud. « Salut !» lance Sylvie. « Salut les filles, sympa la descente ?»« Génial, mais on en a plein les bras. On est parti super tôt ce matin parce qu'on nous avait dit qu'il fallait arriver ici avant 19 h. C'est l'heure où le minibus passe pour nous ramener à la voiture. Et voilà, on a plusieurs heures d'avance. des heures à attendre bêtement, c'est malin. Bon, et vous? Ce n'est pas pour dire, mais vous avez l'air de vous emmerder. Tu sais, ma belle, c'est la vie de Troufion. Le matin, on attend les ordres, puis on nous envoie dans un coin attendre on ne sait quoi. Et tout à coup, il faut aller d'urgence ailleurs, pour attendre encore. Alors tu vois, on est là, on attend, on fait notre boulot. Si tu veux tout savoir, on est censé coincer des groupes d'élèves officiers qui se baladent dans le coin 4x4. À mon avis, ils ne sont pas fous. Quand ils nous voient sur le pont, ils doivent traverser à gué un peu plus loin. Bref, comme d'habitude, on ne sert pas à grand-chose. Vous êtes du coin ? Non, on est lyonnaise. Mais vous restez quelques jours, on pourrait se revoir. Un de ces soirs, ce serait sympa. Pendant la conversation, Anne tourne autour de la Jeep. Elle intervient tout à coup. Ça doit être rigolo à conduire, on dirait un jouet. Vous devez bien vous marrer avec ça. Le jeune soldat ne répond pas. Visiblement, c'est Sylvie qui l'intéresse. Celle-ci reprend. Vous savez ce qui serait vraiment sympa? Ce serait que vous nous rameniez à notre voiture avec votre Jeep. Comme ça, on n'aurait pas besoin d'attendre bêtement des heures. Désolée, ma belle, ce n'est pas que je ne voudrais pas, mais on doit absolument rester là jusqu'à ce qu'on nous donne l'ordre de rentrer. Bon, tant pis. Tranquillement, Anne s'est assise dans la Jeep à la place du conducteur. Elle tourne le volant de droite et de gauche, joue avec les manettes, fait semblant de conduire. Le soldat qui la prend pour une gamine ne réagit pas. « Elle est loin, votre voiture ?» reprend le militaire après réflexion. « 30 kilomètres à peine. Par la route, c'est peut-être plus court. »« Ah non, ce n'est vraiment pas possible. Pourtant, je voudrais bien vous aider, mais 30 kilomètres, c'est beaucoup trop. Ça fait au moins 1 heure aller-retour, ce n'est pas possible. » Mais vous pouvez attendre avec nous, ça vous fera passer le temps.